Mazia libara Sangolini Nangona mbona kayo Mote manangai Ebeta kamakazi Malingio Nangona mbona kayo Mote manangai Ebeta kamakazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai Bote Mwazia libara Sangonini Mbote Mwazia libara Sangonini Tangona mbona kayo Mote manangai Ebeta kamakazi Malingio Tangona mbona kayo Mote manangai Ebeta kamakazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai J'aime tomber dans géo, pilon pilé. Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Où m'envoyer? Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Où m'envoyer? Sa voix m'a donné doudou. Gamba ta coupilon. Capé pile pitimi. Tellement m'aimer. Sa voix m'a donné doudou. Gamba ta coupilo, papé pile pitimi, tellement m'remè. Ou belle coup fleur dans le paradis, ou belle ta cousette ouel. Chaque fois j'aime tomber dans gel, pilon pile. Beauté, Mwazia libara, Sangonini. Beauté, Mwazia libara, Sangonini. Tangona mbona kayo, mote manangai, ebeta kamakazi, malingio. Tangona mbona kayo, mote manangai, ebeta kamakazi, malingio. Ozali fololo nangai, mote manangai. Bonjour, madame Mabdiou, bonjour. Madame Mabdiou, bonjour, ou m'envoyer. Chaque fois m'gade un doudou, gamba ta coupilon. Papé pile pitimi, tellement m'remè. Chaque fois m'gade un doudou, gamba ta coupilon. Papé pile pitimi, tellement m'remè. Ou belle gouffle dans le paradis, ou belle ta cousette ouel. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pilé. J'aime tomber dans géo, pilon pilé. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pilé.